Actes chapitre 13. Or il y avait dans l'église qui était d'Antioche, des prophètes et des docteurs, savoir, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius le Cyrénien, Manan, qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et comme ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, séparez-moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, étant envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Séleucie, et de là ils naviguèrent en Chypre. Et quand ils furent à Salamis, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour aide. Puis ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain enchanteur, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Serge Paul, homme prudent, lequel fit appeler Barnabas et Saul, désirant ouïr la parole de Dieu. Mais Elima, c'est-à-dire, l'enchanteur, car c'est ce que signifie ce nom d'Elima, leur résistait, tâchant de détourner de la foi le proconsul. Mais Saul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli du Saint-Esprit, et ayant les yeux arrêtés sur lui, dit, homme plein de toute fraude et de toute ruse, fils du démon, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de renverser les voies du Seigneur, qui sont droites? C'est pourquoi, voici la main du Seigneur va être sur toi, et tu seras aveugle, sans voir le soleil jusqu'à un certain temps. Et à l'instant une obscurité, et des ténèbres tombèrent sur lui, et tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. Alors le proconsul voyant ce qui était arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Et quand Paul et ceux qui étaient avec lui, furent partis de Paphos, ils vinrent à Perge, ville de Pamphylie. Mais Jean s'étant retiré d'avec eux, s'en retourna à Jérusalem. Et eux étant partis de Perge, vinrent à Antioche, ville de Pisidie, et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, s'il y a de votre part quelques paroles d'exhortation pour le peuple, dites-la. » Alors Paul s'étant levé, et ayant fait signe de la main qu'on fit silence, dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a élu nos pères, et a distingué glorieusement ce peuple du temps, qu'il demeurait au pays d'Égypte, et il les en fit sortir avec un bras élevé. Et il les supporta au désert environ 40 ans. Ayant détruit cette nation au pays de Chanaan, il leur en distribua le pays par le sort. Et environ 450 ans après, il leur donna des juges, jusqu'à Samuel le prophète. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül fils de Qui, homme de la tribu de Benjamin, et ainsi se passèrent 40 ans. Et Dieu l'ayant ôté, leur suscita David pour roi, duquel aussi il rendit ce témoignage, et dit, « J'ai trouvé David fils de Jessé, un homme selon mon cœur, et qui fera toute ma volonté. En a été de sa semence que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus pour sauveur à Israël. » Jean ayant auparavant prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël, avant la venue de Jésus. Et comme Jean achevait sa course, il disait, « Qui pensez-vous que je sois? Je ne suis point le Christ, mais voici, il en vient un après moi, dont je ne suis pas digne de délier le soulier de ses pieds. Hommes frères, enfants qui descendez d'Abraham, et ceux d'entre vous qui craignez Dieu, c'est à vous que la parole de ce salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem, et leur gouverneur ne l'ayant point connu, ont même, en le condamnant, accompli les paroles des prophètes, qui se lisent chaque sabbat. Et quoiqu'ils ne trouvassent rien en lui qui fût digne de mort, ils prièrent Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli, toutes les choses qui avaient été écrites de lui, on l'ôta du bois, et on le mit dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il a été vu durant plusieurs jours par ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, qui sont ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons, quant à la promesse qui a été faite à nos pères, que Dieu l'a accomplie envers nous qui sommes leurs enfants, ayant suscité Jésus, selon qu'il est écrit au psaume second, « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. » Et pour montrer qu'il l'a ressuscité des morts, pour ne devoir plus retourner au sépulcre, il a dit ainsi, « Je vous donnerai les saintetés de David assurées. » C'est pourquoi il a dit aussi, « Dans un autre endroit, tu ne permettras point que ton sang sente la corruption. Car certes David, après avoir servi en son temps au conseil de Dieu, s'est endormi, et a été mis avec ses pères, et a senti la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité, n'a point senti de corruption. Sachez donc, ô frères, que c'est par lui que vous êtes annoncé la rémission des péchés, et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, et vous en étonnez, et soyez dissipés, car je m'en vais faire une œuvre en votre temps, une œuvre que vous ne croirez point, si quelqu'un vous la raconte. Puis étant sorti de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent qu'au sabbat suivant, il leur annonça ces paroles. Et quand l'assemblée fut séparée, plusieurs des Juifs et des prosélytes qui servaient Dieu, suivirent Paul et Barnabas, qui en leur parlant les exhortaient à persévérer en la grâce de Dieu. Et le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour ouïr la parole de Dieu. Mais les Juifs voyant toute cette multitude, furent remplis d'envie, et contredisaient à ce que Paul disait, contredisant et blasphémant. Alors Paul et Barnabas s'étant enhardis, leur dirent, « C'était bien à vous premièrement, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car le Seigneur nous l'a ainsi commandé, disant, « Je t'ai établi pour être la lumière des gentils, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. » Et les gentils entendant cela, s'en réjouissaient, et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Ainsi la parole du Seigneur se répandait par tout le pays. Mais les Juifs excitèrent quelques femmes dévotées distinguées, et les principaux de la ville, et ils émurent une persécution contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur quartier. Mais eux ayant secoué contre eux la poudre de leurs pieds, s'en vinrent à Iconie. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.